Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. La vieillesse est un naufrage, écrit le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre parus en 54, avant d'ajouter « Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. » La vieillesse est un naufrage, donc. L'expression fut reprise par Simone de Beauvoir dans son essai sur la vieillesse dont nous parlions hier, en l'attribuant à Chateaubriand, qui pourtant ne l'a lui-même jamais employé. Quelle que soit l'origine véridique de cette citation, posons-nous la question, sans détour ni précaution, la vieillesse est-elle un naufrage? On commence avec Pascal Bruckner, Laure Adler et Beyoncer. Les désastres que suscite la vieillesse sont tellement évidents qu'il n'y a pas besoin de les énumérer. Mais si on se contente de ce constat, on oublie simplement une chose, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et de mieux en mieux, puisque précisément la vie s'est rallongée. Je me sens vieille, mais je suis très contente d'être vieille. Alors justement, on va dans d'autres civilisations que la nôtre, la vieillesse est un supplément, la vieillesse est une possibilité de transmission de connaissances, la vieillesse est une possibilité de s'occuper des autres, la vieillesse est une altitude, la vieillesse est une possibilité aussi de vivre intensément le bonheur quotidien, que ça soit de se réveiller comme ce matin, que ça soit de marcher le long de la Seine comme tout à l'heure. Il y a une espèce de rapport direct à la vie. Je souhaite, comme beaucoup de gens, tirer le maximum d'avantage de cette condition entre la vieillesse et la maturité. Et je remercie la Providence de m'accorder des années supplémentaires. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. With his tea, and we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. And all that when he gave to me with his gun. Bonjour Régis Geoffrey. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. J'adore être vieille, dit Laure Adler. La vieillesse est un cadeau magnifique, dit Pascal Bruckner. Vous vous situez du même côté qu'eux ? Écoutez, on ne parle pas forcément des mêmes choses là. Disons que la vieillesse, si j'en devais en donner une définition philosophique, ce serait l'approche de la mort. C'est rien d'autre. En fait, c'est plus on devient vieux, plus on s'approche de la mort, ce qui est intéressant au niveau de la pensée. Après, on tombe dans le sociologique. Alors là, il faut faire extrêmement attention, c'est que on parle plus la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous vous penchez sur les textes, même avant 1930, par exemple, quand on dit à quelqu'un qu'il doit avoir des maîtresses ou je ne sais quoi, la personne répond « j'ai passé 40 ans ». C'est-à-dire qu'un homme à 40 ans était épuisé. Moi, j'écris sur Flaubert, il faut voir que ces hommes de l'époque étaient des survivants de toutes les maladies qu'ils avaient. C'est-à-dire que effectivement à 40 ans, c'était une catastrophe, ils avaient tous la syphilis, on parle plus de la même chose. Donc là par exemple, quand on parle de quelqu'un de 60 ou 70 ans, en fait, on ne décrit pas un vieux. Donc on passe à côté de la question, c'est-à-dire qu'on dit qu'on aime être vieux parce qu'on a toutes ces capacités de faire du sport, de courir, de travailler intellectuellement, par exemple, et donc on ne parle plus la même chose. Donc on n'est pas vieux aujourd'hui à 70 ans. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de la vieillesse aujourd'hui, comme de la vieillesse hier, c'est pas la vieillesse dont on vous parle aujourd'hui, parce que quelqu'un, on dit plus un vieillard de 55 ans, c'est dans Balzac, ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vieillesse, ça commence à l'époque où on va aller éventuellement en EHPAD. C'est ça la vieillesse. Quelqu'un qui a déjà mis les pieds dans un EHPAD, c'est ce qu'est la vieillesse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte, parce que là, de raconter, je vais faire ci, je vais faire ça, je suis content d'être vieux, pourquoi pas, ça veut dire, c'est autre chose, ça dépasse sur une autre chose qui est à nouveau sociologique, c'est la notion de retraite, qu'on nous donne presque comme un idéal. C'est-à-dire, même vous voyez les gens jeunes qui se font complètement rouler par la société, c'est-à-dire qu'on leur dit, bon, mais là, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, le jour où vous serez à la retraite, vous avez la liberté totale, vous pourrez aller à l'autre bout du monde. Oui, mais vous pouvez y aller à 30 ans à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est autre chose, c'est une façon de découper la vie dans la société capitaliste, puisqu'elle est capitaliste, telle qu'elle est. Voilà, en Corée du Nord, je ne sais pas comment ils font. C'est quelque chose, vous savez, on essaie toujours de nous vendre quelque chose. Bon, ben là, on nous vend le vieillard, mais alors attention, le vieillard, il faut qu'il court, il faut qu'il saute, il faut qu'il ait 12 000 maîtresses, etc. Puis vous avez le nouveau vieillard que j'ai vu dans la personne d'Hugo Frey. Hugo Frey étant une apparition complète. Il a 91 ans. Bon, il a une femme qui en a 38 ou je ne sais quoi. Il a une vie professionnelle extravagante. Quand il chante, il a une voix. Alors quoi, 91 ans, normalement, on n'en a pas. Là, vous avez un personnage mutant. C'est-à-dire que il est vieux, mais il ne l'est plus. Parce que quand vous pouvez faire tout ça, vous comprenez bien en quoi vous êtes vieux. Donc c'est pas une question d'âge, la vieillesse, c'est ça que vous dites? Si, mais on parle pas la même chose. C'est-à-dire. Mais alors de quoi parlez-vous? Vous, la vieillesse, c'est la fin de vie, au fond, c'est ça que vous dites? C'est la définition de la vieillesse. Le reste étant, j'allais dire, littérature, c'est de l'abus de langage après. Vous comprenez? Parce qu'on peut dire, on est toujours vieux, parce que quand on a 15 ans, on se sent vieux par rapport à 18 ans, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais la vieillesse dont on nous parle pour nous la vendre, en gros. En disant c'est super. En disant c'est, ah, c'est génial. Et oui, c'est pas la vieillesse. Yes, mais c'est pour vendre des affaires. Oui. Voilà. Alors, vous dites, le reste, c'est de la littérature. Justement, c'est votre métier, Régis Debray. Vous êtes écrivain. C'était une formule. Oui, mais je vous prends au mot. Vous êtes l'auteur de Microfiction, qu'on trouve en deux volumes. Vous êtes l'auteur de Papa, qui est sorti cette année. On en parlera tout à l'heure aux éditions du Seuil. Et de Bravo, qui est un recueil dans lequel on trouve des portraits de ce qu'on pourrait appeler des survivants, justement, des personnes plus ou moins âgées qui sont en prise avec la mort des plus proches, avec l'ingratitude des enfants, des petits-enfants, les aléas de la sexualité. Et ressort de cet âge de la vie un portrait extrêmement sombre. Est-ce que c'est ce que vous avez décidé de faire dans la littérature et ça ne correspond pas forcément à la perspective, à la vision que vous avez de la vieillesse, ou est-ce quand même le Régis Debray que j'ai devant moi correspond au narrateur? Ça doit correspondre au narrateur, j'imagine, mais en réalité, quand j'ai écrit ce livre, c'était avant d'avoir 60 ans, et j'arrêtais pas de parler du fait que j'aurais 60 ans, parce qu'en fait, je me suis aperçu que quand je les ai eus, j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu 60 ans... D'avoir 60 ans. Ah ouais, pour moi, c'était quelque chose... je croyais qu'en fait, le jour de mes 60 ans, me dirait « mais non, c'était une blague ». Vous n'allez pas avoir 60 ans. Parce que pour ma génération, bah, moi, c'est ce dont je parle, c'est les petits vieux, quoi. Moi, les gens, moi, j'ai 65 ans. Bon, moi, de mon temps, les gens de 65 ans, oui, c'était des gens qui étaient, ils étaient complètement amortis. Ils étaient du côté de la maladie, du côté, de façon, déjà du côté de la retraite. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très loué, la retraite. On dit, oh, comme c'est bien la retraite. Moi, je crois que la retraite, c'est la mort. Bravo. Qu'on applaudisse, écrit bravo. C'est une performance d'avoir si longtemps vécu. Qu'il soit acclamé, le convoi des vieillards. Ils ont été vaincus, mais ils ont résisté, souffert, lutté pour ne pas succomber à la tentation de déposer les armes, de se faire harakiri comme un lâche samouraï qui, refusant d'endurer plus longtemps le quotidien, un jour s'éventre. Hommage aux êtres qui ont dépassé le cap de la soixantaine et habitent désormais ce continent gris peuplé d'humains d'hier que dans ma jeunesse on appelait les petits vieux. Je rejoindrai au printemps leur terre crépusculaire. Avec l'enthousiasme des désespérés, je continuerai à écrire tant qu'il me restera des mots. J'en ai des silos remplis jusqu'à la gueule et je ne me rendrai pas avant de les avoir dégoupillés jusqu'au dernier. quand ce siècle sera devenu sexagénaire à son tour, plus âgé que lui de quelques décennies, ayant largement payé mon tribut à l'existence, je me tuerai. Régis Geoffrey sur France Culture, les chemins de la philosophie pour ce troisième temps autour de la vieillesse. C'est le sujet de cette semaine. Aujourd'hui, eh bien, bravo aux vieux. Bravo, c'est le premier titre de votre, c'est le premier mot de votre ouvrage qui s'appelle Bravo aussi, Régis Geoffrey. On a entendu ces lignes magnifiques lues par Bernard Gabet. Et bon, ces derniers mots, finalement, je me tuerai. C'est comme s'il valait mieux qu'à tout prendre, la mort était plus enviable que la vieillesse. C'est ce que vous pensez? Mais avant qu'on passe l'extrait, j'ai dit la retraite c'est la mort et c'est pour moi. C'est-à-dire que je parle pas de la retraite en général. Je parle que moi, si j'arrivais plus à écrire, si j'avais plus l'énergie d'écrire des livres, la vie m'intéresse moins. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que vous savez, il y a un problème quand même dans notre société, c'est cette façon d'évacuer la mort quand même. C'est-à-dire que on nous raconte des choses comme la dépendance, par exemple, tout tourne autour de ça. Quand vous voyez les choses de visu, par exemple dans un EHPAD, c'est très curieux quand même, parce que je donnerai pas de description, mais simplement, il faut savoir quand même, alors moi je l'ai vu de mes yeux, que quand une personne qui a 102 ans ou 103 ans dit « bon, bah, j'ai 103 ans, j'en ai assez, moi maintenant j'attends la mort », on la met sous antidépresseur, il faut quand même le savoir. Alors, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal? Je n'en sais rien. Je sais pas, la sérotonine, ergique, mais sérotonine, etc. On les met sous antidépresseurs. Est-ce que c'est un état normal à 103 ans ou 104 ou 105 de dire ma vie est terminée, je n'attends plus que la mort? Ou est-ce que c'est normal? Je l'ignore. Ça devient quelque chose de très philosophique. Le fait qu'il y ait des psychiatres dans les EHPAD qui donnent des antidépresseurs aux personnes, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce qu'on imagine, on les abrutit pas. C'est tout à fait le contraire. On essaie au contraire. Est-ce que c'est bien ou pas? Je n'en ai aucune idée. Moi, personnellement, quand vous voyez ça, ça ne vous fait pas envie. Vous n'avez pas envie de ça. Donc, vous avez la tentation de dire j'aurai une mort romaine, je me suiciderai. Est-ce qu'on en aura la force? Je n'en sais rien. Et c'est des états qu'on ne connaît pas. Et quand on les connaît, si vous voulez, quelqu'un qui a Alzheimer n'est pas capable de se suicider parce que déjà il y a une fatigue intérieure, etc. Oui, parce qu'en plus d'être vieux, il est malade dans ce cas. Oui, mais quand la vieillesse n'est pas une maladie encore, ça veut dire que vous avez encore toute l'énergie possible. Regardez, quelqu'un comme Jean d'Ormesson, jusqu'à la fin, il avait l'air d'avoir une énergie totale, c'est ça. On parle de choses très très bizarres, parce qu'avant la vieillesse, on savait à peu près ce que c'était, parce que personne n'était vieux. Comprenez, par exemple, Hugo, il était à peu près le seul de la bande à être vieux. Les autres, tous les gens mouraient. Quand on parle de George Sand, je sais pas quel âge elle est morte, mais on disait, est morte, mais on disait la vieille dame, mais aujourd'hui, ce serait injurieux, si vous voulez. Les gens, regardez même Proust, il est mort à 52 ans, Balzac, 51, Flaubert, 58, Stendhal, je sais même plus. Les vieux, c'était très rare. Donc, on savait de quoi en parler en même temps. Puis, il n'y avait pas de recours. C'est-à-dire que la vieillesse, vous la preniez en plein dans la figure, avec tous les mots de la vieillesse. Maintenant, les mots de la vieillesse, c'est très bien, sont supprimés les uns après les autres. Mais alors, on parle de quoi? Parce que finalement, si c'est avoir beaucoup vécu et avoir une forme qu'on l'a jamais eue, la vieillesse, c'est quoi? C'est l'avancée vers la mort. Mais comme ça se recule de plus en plus, l'échéance. Est-ce que c'est parce que vous essayez de cerner le contenu de la vieillesse que vous écrivez à ce sujet? Parce que quand même, ça doit vous obséder, vous en avez fait tout un livre. C'est tous ces vieillards, toutes ces vieilles personnes, plus ou moins vieillards d'ailleurs, que l'on trouve dans Bravo. Ça montre bien que la place que ça occupe dans votre esprit. C'est pas tellement la vieillesse que la mort. Moi, voilà ce qui moi... comment j'ai vécu les choses. À un moment de ma vie, que je situerai vers 40 ans, mais je ne sais pas quand, j'ai perdu le sentiment d'éternité. C'est-à-dire que quand vous avez 20 ans, quand vous avez 25 ans ou 15 ans, vous savez très bien que vous allez mourir, mais vous avez un sentiment d'éternité devant vous. C'est-à-dire que c'est vrai en théorie, mais bon, voilà. C'est comme un peu la notion du temps en physique, mais enfin, vous vivez dans le temps, de l'horloge. Et à un moment, j'ai perdu ce sentiment d'éternité. C'est-à-dire que le fait que j'allais mourir m'est apparu comme quelque chose de réel. Voilà. Alors que quand on est jeune, c'est pas réel. Et c'est à quelle occasion? C'est un événement? C'est strictement rien. Ça, mais je l'ai perdu. Voilà, je l'ai perdu. J'allais dire comme un puce-là, je l'ai perdu à un moment. Et à partir de ce moment-là, vous êtes, oui, ça devient la fin dernière, si j'ose dire, devient sinon une obsession, devient une limite ou une. Et en même temps, ça fait quelque chose que vous, ça fait aussi en sorte que vous n'acceptez plus tout. C'est-à-dire que là, moi, en fait, plus j'avance, plus je suis intraitable sur ma vie, sur, par exemple, avec moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est écrire. Tout ce qui peut m'empêcher d'écrire, je l'élimine. C'est-à-dire parce que je me dis j'ai tellement je sais que quand je mourrai j'aurai pas écrit tous les livres que je voulais écrire, donc pour moi c'est devenu complètement obsessionnel. Voilà, l'obsession de ma vie c'est écrire, c'est je suis prêt à sacrifier tout pour ça, parce que si tant que j'écris je suis vivant, j'ai pas de questions, je suis vieux, je suis jeune, je suis vivant quand j'écris. Quand j'écris, quand on crée, on n'a pas d'âge, ça n'existe pas. On est dans le domaine de l'esprit. Et dans le domaine de l'esprit, la vieillesse n'est pas, la mort n'est pas. C'est l'éternité de l'âme si on croyait à l'âme. Donc moi, tant que j'ai l'écriture et que j'ai cette possibilité, cette magie d'écrire chaque jour quelque chose, moi, je suis vivant. Et l'écriture permet d'apprivoiser la mort ou de la conjurer ou de la voir en face? Comment vous le voyez? Pas du tout. C'est comme si j'étais musicien, je jouais de la musique et je dirais, pendant que je joue de la musique, je sais que j'existe. Je me pose pas ces questions-là. C'est la preuve du vivant, au fond. C'est la preuve que je suis en vie. Vous savez qu'il y a les schizophrènes qui se tailladent le corps pour se persuader que par la blessure, qu'ils sont vivants. Et ben moi, c'est en écrivant, je sais que je suis vivant. Vous êtes en forme, vous allez bien. Non mais j'ai que oui, comme une vieille bagnole quoi, oui. Qui a 400 000 kilomètres. Toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, De Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage. J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, parole écrite, fornication. Interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Régis Geoffrey, quand on a préparé l'émission avec vous, que Clara de Giovanni vous a demandé alors de quel texte de littérature vous souhaitez parler, vous avez dit Brigitte Fontaine, Prohibition, que nous sommes en train d'écouter. Oui, parce que j'avais découvert cette chanson il n'y a pas très longtemps. Je l'ai écoutée il y a 2 mois à peu près. Je l'avais trouvée tout à fait adéquate. Moi, c'est à peu près la façon dont je ressens les choses, quoi. La chanson est très très crue. Hein. J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Et le refrain, c'est « Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. » Un petit détail oublié. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est ce côté agressif est pas mal parce que le côté le vieillard qu'on nous vend, il n'y a pas d'autre mot, n'existe pas. C'est-à-dire que les gens qui deviennent vieux ne deviennent pas plus gentils, ils deviennent plus fatigués. Alors bon, tout diminue, mais je ne vois pas pourquoi les gens deviendraient sympathiques. C'est-à-dire qu'imaginez, c'est pas Johnny Rotten, mais celui qui est mort, là, je ne sais plus comment il s'appelait, là, celui qui chantait No Future. Bref, imaginez qu'il ait vécu vieux. Vous croyez qu'il serait devenu sympathique et qu'il serait allé à la messe? Il n'y a aucune raison. Donc je trouve ça très très très sympathique, très agréable. Voilà, je trouve la chanson très agréable parce qu'elle a un côté dynamique. C'est Sid Vicious le nom que vous cherchez. Voilà, exactement. Voilà, s'il avait vécu plus tard, il était mal barré pour vivre vieux de toute façon vu la vie qu'il avait. Mais je trouve ça assez très réjouissant. Voilà, la chanson est très réjouissante. Mais quand Alain Delon, c'était lui, dit que vieillir est un naufrage, qu'il se sent comme une vieille bagnole finalement, puisque ce que vous dites c'est que comme la vieillesse annonce la fin de la vie et que la mort, vous la redoutez sans doute comme tout le monde, on ne peut pas parler de naufrage de la vieillesse dans ce cas. C'est-à-dire imaginez Alain Delon, c'est même plus qu'une beauté, c'était quelque chose de renversant quand il était jeune. Imaginez que vous êtes Alain Delon. Je veux dire, vous n'imaginez pas la jeunesse d'Alain Delon, imaginez Delon à 30 ans. Enfin, c'est une folie d'être Delon à 30 ans. Vous savez que, c'est pas une vie comme la nôtre, en tout cas comme la mienne. Je veux dire, vous êtes Alain Delon et après vous vieillissez. Mais c'est plus qu'une catastrophe, c'est plus qu'un naufrage. C'est comme si moi je n'avais plus écrire, puisque là, votre instrument de travail et de vie, c'est votre visage. Évidemment. Alors après, on peut toujours dire oui, mais il est vieux, etc. Mais c'est de l'hypocrisie de dire après oui, mais il est beau étant vieux. Oui, sans doute. Mais enfin, étant jeune, regardez les photos d'Alain Delon, c'est la beauté à l'état pur. Je veux dire, donc on peut comprendre, là pour Delon, là, on a la définition éblouissante du naufrage. Voilà, et ça n'a rien... Ça va lui faire plaisir. Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la vieillesse, c'est ça que ça veut dire. Mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Vous avez une vie quand vous êtes jeune, et après, vous avez une vie quand vous ne l'êtes plus, et vous n'avez plus le même rapport de séduction avec les gens. C'est-à-dire que trouver un beau vieillard, ça fait plaisir dans la littérature, mais la personne, elle est pas à l'intérieur de ce corps vieux, elle se sent pas jeune, elle se sent jeune. C'est-à-dire c'était Pivot qui avait dit, alors c'est pas pour flatter Pivot parce que tout le monde flatte Pivot parce qu'il est président, il est ancien président du jury Goncourt en ce moment. On dit beaucoup de bien de tous les, mais bon moi c'est pas. Oui, il est parti hein, de toute façon. Non, mais il est toujours président d'honneur. Non, mais moi c'est pas. D'ailleurs j'ai sympathie pour beaucoup parce que je les connais un peu, mais c'est pas le problème. Mais il a écrit vieillir c'est chiant. Et ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous êtes dans des transports en commun, il regarde une jeune fille, elle lui laisse sa place. Voilà. Bon, mais c'est ça, vieillir. Est-ce que vous croyez que les gens, ça leur fait plaisir? Ils croient qu'ils sont dans un rapport de séduction. Moi, un médecin aussi m'avait dit, oui, quand je regarde une jeune fille à l'hôpital, elle me demande si j'ai pas besoin d'une chaise. Vous croyez que c'est agréable? Voilà, donc Delon, je comprends très bien Delon. Et d'ailleurs, tout le monde le comprend sans être, quand on n'a pas beaucoup d'hypocrisie en soi, on le comprend. Après, c'est pas très politiquement correct de le dire. Mais c'est un peu des bêtises quand même. Quand on dit, ah ben oui, mais quand même, je préfère Brigitte Bardot maintenant que quand elle était jeune. Ou, Delon, je trouve beaucoup plus séduisant maintenant qu'il en... Que c'est quand l'hypocrisie. Il était jeune, faut pas quand même se foutre de la gueule de Delon et de Brigitte Bardot, hein, parce que ils sont pas du tout convaincus de cela, je pense. Alors, comment les vieux, le vieil âge est-il représenté en littérature à travers les siècles, en voici un exemple. Il s'agit de Bose endormi, Bose, B2OZ, de Victor Hugo. Bose s'était couché de fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air. Puis avait fait son lit à sa place ordinaire, Bose dormait, auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse, « Laissez tomber exprès des épis, » disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours, du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Il faut ne pas abuser des photos quand on cherche à se souvenir. Elles sont trop sûres d'elles, et même si elles ne sont qu'un atome de ce qu'elles représentent, elles vous imposent leur point de vue, comme si elles avaient capté l'entièreté du réel. Elles sont despotiques, elles castrent l'imagination qui est le seul instrument capable de restituer la totalité d'un instant passé. On ne peut déduire les humains de leur image, ni la vie d'une captation vidéo de la vie. Celle de l'arrestation montre l'extérieur de mon père, mais c'est à l'intérieur de son crâne que se trouvait l'essence de cet instant, dont aucun procédé ne semble actuellement capable de nous donner la moindre idée. À chaque fois qu'on se souvient, le souvenir se modifie, alors que la photo est une imbécile qui ne change jamais d'avis. Comme si le passé était du présent gelé, alors que notre passé est vivant, tant que nous le sommes encore, nous aussi. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. De Victor Hugo à Régis Geoffrey, aujourd'hui, dans l'émission donc où nous parlons de la vieillesse. D'un côté, Bose, le Bose endormi, qui est, le dit Victor Hugo, un jeune homme beau. Le jeune homme est beau, dit-il, mais le vieillard est grand. On a ici le vieillard dans toute sa splendeur. Et de l'autre, votre récit qu'on trouve dans ce texte qui est très bouleversant, où vous montrez comment finalement l'image que l'on donne de son passé n'est jamais fidèle au réel lui-même. Et je me demande si ces images de vieux qu'on trouve dans la littérature et même dans la Bible, puisque Victor Hugo s'inspire ici d'une scène tirée de la Bible, ne sont pas toujours en décalage avec l'expérience que nous faisons et de la vieillesse et des souvenirs qui viennent nous hanter quand nous sommes vieux. Régis Geoffrey. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression que cette vieillesse, elle existe au sens de l'esprit, si l'esprit n'est pas dégénéré par quelque maladie, si vous voulez. C'est le gros problème de l'âge. C'est-à-dire que c'est pas du tout une chose extraordinaire ni positive, mais on ne vieillit pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes peurs que quand on était jeune. C'est pas du tout quelque chose d'optimiste en disant on est toujours jeune, etc. Ce genre d'imbécilité notoire. C'est simplement que la vieillesse n'existe pas sur ce plan-là. C'est-à-dire de dire que qu'à l'intérieur de vous, vous êtes vieux. Non, vous avez les gens qui sont malades, dont l'esprit est parti, mais les gens qui ont 100 ans et qui ont leur tête et leur esprit, ils ont les mêmes désirs que les autres. Ils ont les mêmes appétits que les autres, dans tous les sens du terme. C'est deux choses différentes. C'est la perte des capacités, la lente perte des capacités, ça c'est une chose. Et après, vous avez des gens qui sont exceptionnels sur ce plan-là, et ils ont les mêmes désirs, la même méchanceté, les mêmes défauts et les mêmes aspirations. Voilà, donc on ne sait plus de quoi on parle, parce que le vieillard d'Hugo, là, je peux vous dire, il a 55 ans quoi, à l'époque, puisqu'il porte les sacs, etc. Ah ben bah dans la Bible, ils vivent longtemps en même temps. Oui, dans la Bible, mais là, le vieillard d'Hugo, vu à son époque, ouais. Il ne pouvait pas être très très vieux non plus, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de la vieillesse, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas définir le sujet, parce que là on a parlé de, quand on parle de la vieillesse, on parle de 3, 4, 5, 6 choses différentes. Parce que si vous fixez la vieillesse, l'âge de l'EHPAD, je dirais en général, c'est injurieux parce qu'il y a des gens qui sont en EHPAD et qui sont pas du tout. Mais les dernières années, voilà. Si c'est ça la vieillesse, on peut en parler. Mmh. Et on parle d'autre chose. Mmh. Si on parle des gens de 60 ou 70 ans ou 80 même maintenant, on parle d'autre chose à nouveau. On peut parler à l'ordre de ceux qui ont 50 ans. On n'est pas très loin. Ceux qui ont 50 ans, ceux qui ont 60 et ceux qui ont 70, ou même on peut rajouter ceux qui ont 40, on parle de choses pas très différentes. Après, la vieillesse, aujourd'hui, ça n'est plus ça. Or, on parle de la vieillesse d'hier et la vieillesse d'aujourd'hui, on mélange tout. Et on a en gros plus de 40 ans. Entre 60 et 100 ans, ça fait 40 années. Voilà. Et c'est cette période dont on parle en disant c'est la vieillesse. C'est comme si on disait la puberté, on parle de 12 ans et on arrive à 45 ans. Mais donc quoi, tous les personnages de vieux dans la littérature, il faut les mettre de côté parce que ça nous parle plus aujourd'hui? Eh ben, non, mais c'est plus les mêmes personnages. Quand quelqu'un dans le passé, vous voyez un texte où quelqu'un dit j'ai 50 ans, je suis vieux, etc., c'est du premier degré. On peut les transposer et dire on remplace 50 par 80 et ça oui, fonctionne. Oui, mais sinon, alors... il y a vraiment toute une partie de la littérature dont on se défait. Ah non, on s'en dépasse pas. Hein. Non, c'est aujourd'hui quand on en parle. C'est très difficile, vous comprenez, parce que, par exemple, les présidents des États-Unis, je crois qu'il a 72 ans, le concurrent, il en a 76. Quand vous dirigez les États-Unis, vous n'êtes pas vieux, puisque vous dirigez, puisque vous existez, vous êtes la personne qui existe le plus au monde, qui a le plus de pouvoir. C'est pas être vieux. Quand vous donnez un ordre, vous n'êtes pas vieux, vous êtes, enfin, un ordre, une création, puisque quand on est président, bon, on peut décider de grands travaux. Est-ce que ça n'a plus aucun sens? On peut pas dire, voilà, c'est un vieillard. On peut pas dire un vieillard à la Maison Blanche, parce que c'est antinomique. Et est-ce que vous pensez que les écrivains ont un rapport particulier à la vieillesse? Vous savez, moi, je pense que la vieillesse, outre, enfin, le problème de l'âge, moi, en ce qui me concerne, c'est uniquement le chiffre. Il n'y aurait pas de chiffre. Moi, j'ai aucune pensée à ce sujet. J'ai pas de choses que je peux pas faire maintenant et que je pouvais faire il y a 25 ans. Donc, c'est une question, pour moi, de chiffre. Après, les écrivains, ils ont la vie ordinaire des gens ordinaires. C'est-à-dire, un écrivain malade, il est malade. Un écrivain mort, il est mort. Mais... Bon, bah, on va écouter justement un témoignage, celui de Céleste Albaret, qui raconte les derniers jours de Marcel Proust. Quand j'ai vu que M. Proust se trouvait affaibli, je n'ai pas cru à sa mort. J'avais tellement l'habitude de le voir et mourant et ressuscité que je pensais que ce serait un moment de faiblesse qu'il avait et que nous pourrions tout de même obtenir que le docteur le ramène de nouveau à la vie et que ça ne serait qu'un mauvais moment parce que je ne croyais jamais que je le verrais mourir. Alors, j'ai appelé le docteur. Comme le Proust m'avait défendu d'appeler jamais un docteur sans son ordre, je lui ai dit que le docteur Bizet était venu pour lui dire bonjour parce qu'il passait et prendre ses nouvelles. Il m'a souvent dit qu'il avait besoin d'activer et du reste, s'il est mort, il s'est un peu assassiné, je peux dire, puisqu'il a refusé tout soin pour pouvoir travailler. Parce qu'il me disait que le temps le pressait, et qu'il avait besoin de corriger ce livre qu'il allait paraître, et que quand il aurait fini la correction, il se soignerait. Malheureusement, il a trop travaillé, ne s'est pas soigné, et il était trop tard. C'est bouleversant d'entendre le témoignage. C'est absolument la mort de Céleste Albaret. Normalement, je fonds en larmes, et là, la radio, ça va. Mais c'est quelque chose d'extrêmement bouleversant, surtout quand il y a le moment de la piqûre. Et puis, il y a cette espèce de mythologie d'autrefois, qui disait qu'en fait, les gens mouraient parce qu'ils avaient trop travaillé. Par exemple, Flaubert, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il travaillait trop. Et en fait, si Proust n'avait pas travaillé, il serait mort pareillement. Si vous voulez, on n'aurait pas guéri son asthme, qui était au dernier degré, on n'aurait pas guéri sa pneumonie. Voilà, donc il y a ce mythe, on se tue au travail. Alors, il y a des gens qui se tuent au travail, ils sont en usine. Il faut savoir que les écrivains ne se tuent pas au travail. Voilà, s'ils se tuent avec d'autres produits peut-être, mais pas avec le travail. Oui, c'est bouleversant, mais là, vous voyez, bon, là, c'est la mort, mais c'est comme si c'était la vieillesse, alors qu'il a 51 ans, je crois, ou 52. Mais là, vous voyez qu'on est à quelqu'un qui est jeune et qui est quand même complètement à l'extrémité, puisqu'il ne peut plus avoir une activité comme quelqu'un de jeune. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis, C'est très difficile de parler de ce sujet parce qu'il faudrait cantonner le sujet à un certain âge. C'est oui, mais là, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à l'écriture. C'est Proust qui est sur son lit de mort littéralement et qui veut continuer à écrire. Est-ce que c'est et qui refuse de se faire traiter justement pour continuer à écrire? Est-ce que c'est pour rester vivant? Vous le disiez, tant que j'écris, je suis vivant. Ou est-ce que c'est pour continuer à exister après sa mort au fond? Parce qu'écrire, c'est quand même ça. On laisse des livres, on conjure la mort d'une certaine façon. Oui, vous savez, on conjure la mort, vous savez, le même Shakespeare, on dit qu'il est éternel, le pauvre chat, il est mort depuis longtemps. Certes, mais regardez, Hugo, il est mort depuis longtemps, on en parle encore ce matin, on le lit encore, on laisse quelque chose. Oui, dans vous, la postérité, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est-à-dire que malheureusement, si vous voulez, le néant, vous n'avez jamais existé. C'est-à-dire que le néant, c'est à partir du moment où vous n'avez plus de conscience, il n'y a plus rien, donc le fait que vous ayez été quoi que ce soit. Non, moi je pense que c'est que l'écriture, là, chez Proust, c'est exister, quoi. C'est... Puis moi, je lui dis, franchement, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est écrire. C'est comme les gens qui font du tennis. Ils s'intéressent, je ne sais pas, au tennis, au football, ou je ne sais quoi. C'est ce que vous faites qui vous fait exister. Question de la transmission, c'est pas ça qui vous fait écrire. On transmettra toujours ses traces derrière soi, mais avoir la vanité de penser que c'est important dans l'éternité, c'est fou, parce que de toute façon, on ne sait absolument pas si on comprendra les livres qu'on a écrits, même dans 20 ans. Regardez, par exemple, vous avez un exemple lumineux, c'est Paul Bourget, c'était une star totale au temps de 1900. Bon, moi, je dois faire partie des derniers vivants qui a lu deux livres de Paul Bourget par curiosité, il y en a un qui s'appelle L'Étape. Bon, c'était un grand best-seller de l'époque, si vous voulez. Aujourd'hui, on n'y comprend rien. C'est l'histoire de deux professeurs de philosophie dont l'un s'est fait à la force du poignet et l'autre est héritier. Le personnage mauvais, c'est celui qui s'est fait à la force du poignet parce qu'il a raté une étape. Ses parents avaient une mercerie et ils se sont privés pour le faire professeur, alors qu'en fait, il aurait dû continuer le commerce de ses parents, devenir industriel et que son fils, lui, ne vive pas de son salaire et vive de ses rentes et soit professeur. On n'y comprend rien aujourd'hui, vous comprenez bien. Alors, est-ce qu'on sera compris, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'aspects sociologiques, souvent dans la littérature contemporaine, est-ce qu'on sera compris? On n'en sait rien. Et de toute façon, on sera mort. Non, franchement, non, la postérité, non, c'est pas... elle me fait pas peur parce que j'y crois pas. Donc même, je peux dire, si on me dit, vous croyez que vous allez rester après votre mort, je dis bien entendu. Bien sûr, parce que je ne serai pas là, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous ne pourrez jamais vérifier si c'est vrai ou pas. Vous parliez de Victor Hugo en disant que c'était un des rares écrivains qui avait vécu très longtemps, qui était vraiment devenu vieux. C'est aussi l'auteur d'un art d'être grand-père. C'est des textes magnifiques sur ses petits-enfants. Dans votre travail, Régis Geoffrey, on trouve dans Microfiction quelques lignes. Vous écrivez, le narrateur écrit, « J'ai dû pratiquer l'art d'être grand-père. Il me craignait. Je ne les touchais pas, mais il voyait dans mes yeux que s'il se permettait de m'emmerder, je n'hésiterais pas à les jeter dans la cheminée. L'un d'entre eux s'est tué l'an dernier dans un accident de la route, ça vous fait rire. Je n'ai pas regretté d'être toujours en vie pour pouvoir profiter d'une nouvelle aussi réjouissante. Si seulement ma femme avait été dans la voiture, elle se serait disloquée avec lui, mais ça fait du mal de rêver. » Oui, mais ça c'est... un anti-Victor Hugo, là. Oui, c'est un anti-Victor Hugo, oui, mais non, mais écoutez, oui, non, l'art d'être grand-père, moi, je suis pas encore grand-père, alors si je l'étais... Vous le regrettez? Ben oui, on regrette toujours, je regrette, oui, le jour où je le serai, je serai ravi, c'est une chose, bien entendu, c'est pas pour ça que, vous comprenez, Hugo, il pratiquait l'art d'être grand-père, mais il écrivait, je sais plus trop ce qu'il écrivait à la fin de sa vie, mais il était en pleine écriture. C'est pas pareil. Là, quand on nous donne l'art d'être grand-père ou l'art de ne sais quoi, d'aller au square et de regarder l'herbe, et que c'est vraiment la consolation parce qu'on est en train de crever, quoi, en gros. Donc, c'est moins intéressant. Être Victor Hugo et pratiquer l'art d'être grand-père, il a pratiqué beaucoup l'art d'être père aussi, parce que c'est bon. Il a beaucoup souffert dans sa chair, bon, avec la mort de sa fille, etc. Mais c'était Victor Hugo. Il a une vieillesse, il était pair de France, il était. Donc, il avait un certain pouvoir. plus qu'un prestige, il habitait dans son avenue, l'avenue Victor Hugo, vous comprenez, la vieillesse, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Vous voyez, c'est là où on parle un peu de n'importe quoi, c'est-à-dire entre la personne qui va entrer dans une maison de retraite et Victor Hugo qui habite avenue Victor Hugo, on n'est quand même pas dans le même contexte. C'est pour ça que je vous dis, c'est complexe, la vieillesse. Oui, et en même temps, vous dites, mais moi, je suis pas encore grand-père et j'adorerais l'être alors que vous avez écrit les lignes que j'ai lues. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est dans votre rapport à l'écriture, est-ce que vous allez explorer ce qui vous ressemble le moins ou une espèce de fantasme caché? Oh non, c'est pas des fantasmes cachés, non, c'est l'écriture, vous savez, c'est très curieux parce que je sais pas à quelle référence on fait allusion en ce moment pour parler de littérature, parce que si vous lisez par exemple Kafka, si vous lisez Flaubert avec Salammbô, bon, il était passé pour un parfait sadique, par exemple, la colonie pénitentiaire, voilà. Et donc je sais pas, parce que ça c'est vieux, Huysmans avait dit que les écrivains qui maniaient le plus les bons sentiments étaient de parfaites ordures. Je crois qu'il y a un peu de vrai, c'est-à-dire que moi j'ai aucune intention de me faire passer pour quelqu'un de bon ou de pas bon en écrivant. Je vais jusqu'au bout de l'écriture. Si je peignais et que je peignais des crucifix, c'est pas pour ça que je veux crucifier quelqu'un. Quand ces images de passion qui sont tellement extraordinaires dans toute l'histoire de la peinture, est-ce que c'était du sadisme? Est-ce que c'était pour faire souffrir le Christ? Pas du tout. Là, moi, je suis influencé par quoi? Mais par le réel. Le réel est d'une cruauté terrible. Et si vous voulez, quand le réel est mou, quand il n'a pas d'intérêt, il n'est pas pour moi intéressant sur le plan littéraire. La littérature, ça commence quand il se passe quelque chose. Il faut toujours se méfier des romanciers. Quand le réel leur déplaît, ils le remplacent par une fiction. Je te porte en moi depuis plus de 6 décennies, mon père, mon enfant fragile que la vie a si peu aimé. Aujourd'hui, je te mets au monde, je te câline, je te cajole. Enfin devenu l'Alfred dont le jeune Régis en ce temps-là rêvait, tu peux reprendre ta place dans la mémoire de mon enfance. Que serait le passé s'il était un verdict sans appel, si on ne pouvait le réécrire comme un conte cruel bâclé par un saligo et en faire une féerie? Tu entends ma voix pour la première fois. Écoute ces paroles que je ne t'ai encore jamais dites. Je t'aime, papa, je t'aime. Seul le roman a le pouvoir de modifier ce qui a existé. Dans ce livre où je me suis fait violence pour ne pas aller à l'encontre de la réalité, je n'ai pas résisté en fin de parcours au plaisir d'inventer ces moments de plénitude. Je sais que ce souvenir de conversation, de mère et de symbiose est une création dont aucun instant n'a été. Malgré tout, ce bonheur inventé restera dans ma mémoire pour illuminer le visage de ce père tant désiré dont la vie m'a frustrée. La journée et les 2 soirées que nous n'avons pas passées ensemble m'ont rendu heureux. Pendant que j'en écrivais le récit, je me suis rapproché de toi. Toute cette joie inventée était pour moi réelle, au fur et à mesure que les phrases tombaient des nues. Ce chapitre m'a offert tout le meilleur de toi. La part la plus tendre, la plus joyeuse, celle dont je n'aurais pas osé rêver de ton vivant. La littérature m'a comblée. Régis Geoffrey, je viens de lire les dernières lignes de votre livre qui s'appelle Papa, qu'on trouve aux éditions du Seuil, un récit, une narration bouleversante où vous parlez de ce personnage qui s'appelle Alfred, que le narrateur n'appelle pas papa, et à la fin du texte, justement, le mot sort avec une déclaration d'amour. Et ces quelques lignes sont passionnantes parce qu'elles renseignent sur le rapport justement à la littérature sur lequel j'essaye de vous questionner depuis le début de cette émission. Et vous dites bien, seul le roman a le pouvoir de modifier ce qui a existé. Et la littérature m'a comblé, dites-vous. C'est par la littérature que vous avez réussi à rendre vivant et à aussi être dans le registre de l'amour. jour, quelqu'un que vous n'avez guère connu et qui, au fond, ne peut pas vieillir parce qu'il n'existait dans votre tête que comme souvenir. Il me semble que là, il y a un lien très fort avec ce rapport à l'écriture sur lequel nous essayons de parler. C'est-à-dire, moi, je suis dans le bonheur absolu d'écrire depuis au moins une quinzaine d'années. Voilà, c'est le bonheur absolu d'écrire, comme s'il m'était donné, parce qu'il y a eu des périodes de difficultés à écrire. Et là, c'est le bonheur absolu, et il peut me. Et c'est la première fois où par l'écriture, j'ai réussi à modifier quelque chose de ma vie qui était mon enfance. C'est-à-dire que maintenant, quand je pense à mon père, je pense à ce souvenir inventé. Voilà, c'est-à-dire que je fais de lui quelqu'un que je n'ai pas connu et qui aurait pu être ce que j'ai imaginé. Voilà. Mais en même temps, avoir vécu ce que j'ai vécu il y a 2 ans à peu près, je préférerais ne pas l'avoir vécu. C'est-à-dire de voir mon père entre deux gestapistes, voir apparaître sur l'écran mon père entre deux gestapistes, c'est un des moments les plus terribles de ma vie. Hein. Je m'en serais vraiment passé. Peut-être raconter l'histoire. Oui, c'est-à-dire que mon père n'a officiellement jamais été résistant, ni jamais quoi que ce soit. Et un jour, il y a un documentaire qui passe à la télévision que je regarde vraiment du coin de l'œil. Et j'aperçois la maison de mon enfance avec deux gestapistes qui ont arrêté quelqu'un. Donc je repasse le film à l'envers, je filme, j'agrandis les photos et c'était bien la maison de mon enfance, mais c'était mon père qui était entre les deux gestapistes. Et ça, avec un air de terreur. Votre père que vous aviez à peine connu. Si, je l'ai connu. Il a toujours vécu avec moi. C'est simplement comme il était sourd et comme on dirait aujourd'hui bipolaire et sous aldol, il était absent, mais je le connaissais. Il était toujours là. C'est ça le problème. C'est le père que mon père, cet inconnu, qui est toujours là. Mais ça a été terrible. Quand vous voyez votre père arrêté par deux gestapistes, c'est quand même la police la plus épouvantable de tous les temps. Donc là, ça m'a vraiment. Si vous voulez, quand j'ai écrit ce livre, je voulais en fait retrouver l'histoire, c'est-à-dire faire des recherches pour retrouver. Et je me suis vite retrouvé devant un mur, c'est-à-dire que les archives de la Gestapo ont été brûlées et comme on l'a pas gardé 6 mois, les archives de la police française, il n'y est pas. Voilà. Donc l'affaire est réglée. Et cette vision, pour moi, a été terrible. Et en effet, le livre, par la littérature, je suis arrivé à me créer ce souvenir de lui qui n'a pas existé. Voilà. Et finalement, en faire quelqu'un. Je me suis dit, voilà, j'en fais quelqu'un. Et vous savez, j'écris des textes pour la revue Zadig. Et donc, ils font une présentation de l'auteur. Et là, ils ont mis un mensonge que j'ai pas démenti. Ils ont dit, il a découvert le passé de résistant de son père. Et j'ai pas appelé pour leur dire, mais c'est pas vrai. Parce que je me suis dit, c'est bien, on lui fait un passé de résistant. Finalement, on n'en sait rien. Il a été arrêté par la Gestapo. C'est possible. Donc voilà, je me suis dit, je me suis recréé mon père longtemps après, mais j'aurais préféré avoir un père plus présent de son vivant. Mais est-ce qu'on se sent enfant quand on passe ainsi du temps avec son père dans l'écriture? Est-ce qu'on peut à la fois se sentir vieux et enfant? Ah oui, sans problème. Dans l'écriture, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a aucun temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'histoire « je suis vieux, je suis jeune ». Il n'y a pas de temps, non, ça, il n'y a pas de temps. C'est comme, en musique, une double croche, c'est une double croche, ça n'a pas d'âge. Et donc, le langage ne vieillit pas, la langue ne vieillit pas. Si on essaie de vouloir la rajeunir, c'est-à-dire que c'est des écrivains qui essaient d'être jeunes, peut-être qui vieillissent, mais la langue ne vieillit pas. Moi, je vais de plus en plus vers une langue, justement, classique, vieillit encore moins. C'est-à-dire que, mais c'est naturel, j'ai toujours un peu cette façon d'écrire et la langue ne vieillit pas. Par exemple, quand on me cite un texte que j'ai pu écrire il y a 30 ans et que je sais pas que c'est de moi, souvent je dis, ah, mais c'est pas mal, ce truc. On me dit, mais c'est de vous. Ah, ben, je dis tant mieux, mais ce que je veux dire, c'est que les phrases, il n'y a pas de. Mais votre écriture n'a pas changé au fil des années. Si, ça a changé, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la langue, quand vous écrivez, ne vieillit pas. C'est comme n'importe quoi. Que, je veux dire, Picasso, est-ce que Picasso, la peinture de Picasso vieillissait ? Lui vieillissait, mais sa peinture ne vieillissait pas. Tant que vous êtes dans l'émerveillement de l'écriture, tout est possible. C'est la création et c'est le bonheur et c'est une évolution. C'est, tant que vous écrivez, vous avancez dans la création même et tout est possible. Tant que vous pouvez écrire, tout est possible. Vous pouvez même arriver à des choses extraordinaires pour vous que vous n'avez encore jamais vécues. Vous avez dit au cours de cette émission qu'on n'est pas vieux aujourd'hui comme on l'était avant. On ne parle pas de la même chose et on ne peut pas définir la vieillesse aujourd'hui comme on la définissait avant. On va se quitter avec un dernier son qui vous donne raison. À l'époque, je ne sais pas à quelle époque, dans le temps en tout cas, la vieillesse arrivait pour les femmes dès 40 ans et existait ce qu'on appelle la bonne du curé. En voici une. Aujourd'hui, nous sommes dans une cure vendéenne. Oui. Et nous sommes dans la cuisine. Oui, c'est ça. Et nous rencontrons la bonne du curé. Oui. C'est comme ça qu'on vous appelle ? Oh, on m'appelle par tous les noms, mais on m'appelle bien la bonne du curé. Et vous êtes ici depuis combien d'années ? 10 ans. Moi, je m'y plais bien. Moi, alors, si je suis là, c'est justement à cause du décès de mon mari. J'étais très jeune, j'avais 34 ans. Alors, à ce moment-là, forcément, on était en ferme. Alors, je ne pouvais plus tenir la ferme parce que mes enfants étaient trop jeunes. Et j'ai tâché quand même jusqu'à ce que mon garçon puisse tenir, prendre à lui-même. Alors, moi, je suis partie à ce moment-là. Vous vous souvenez de la bonne du curé de votre enfance ? Oui, et c'était une brave fille, mais très drôle. Une vieille fille, quoi. Mais remarquez que c'est spécial, hein. C'est... Il faut vivre, comment je vous dirais, en ménage, mais alors on n'est pas marié. Voilà. Alors c'est très spécial. Vous êtes un peu leur mère au prêtre. Oh, pour l'abbé, oui. Tandis que pour monsieur le curé, il est presque aussi âgé que moi, alors non quand même. Vous comprenez, c'est des célibataires. Alors, quand même, je crois que, oui, ils ont besoin de quelqu'un avec eux pour leur donner un petit peu d'affection, quand même, de temps en temps. Vous ne pensiez pas qu'on allait terminer cette émission avec la bonne du curé, Régis Geoffrey ? De quoi ? Vous ne pensiez pas qu'on allait terminer cette émission avec la bonne non, du curé ? Non, mais je pensais que, quand vous avez annoncé la bonne du curé, j'ai cru que c'était Annie Cordy. Mais elle arrive ! Elle arrive, bon d'accord. Donc on sera qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette bonne du curé, justement ? La bonne du curé, c'était... Ah oui, à l'époque, il fallait avoir 44 ans, parce qu'on était censé plus avoir aucune séduction pour être bonne du curé. J'écoutais, je ne sais pas trop ce que faisaient les curés. Annie Cordy, par exemple, m'intéresse plus, parce que quand j'étais enfant, j'avais 10 ans, et que j'avais dit à un de mes copains, j'ai vu Annie Cordy à la télé, elle me dit oui, il m'avait dit oui, c'est pas mal pour une vieille vedette. Donc je me suis dit, c'était en 65. Donc voilà, là, déjà en 65, elle était déjà considérée comme vieille par les enfants de 10 ans. C'est drôle, la vieillesse, c'est pour... ça n'a pas. Et elle avait même pas l'âge canonique, elle devait avoir 35 ans à l'époque. Voilà. Eh bien, on va se quitter avec Annie Cordy. Merci beaucoup, Régis Geoffrey, d'être venu nous parler ce matin. C'est moi qui vous remercie. De vieillesse. Papa, c'est le titre de votre livre qu'on trouve au Seuil. Bravo, c'est l'autre livre dont on a parlé ce matin qu'on trouve également au Seuil. Il y a aussi Microfiction, on en a un peu parlé. Voici donc La bonne du curé par Annie Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitié, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je veux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou-trou, mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé, et je je voudrais. Et oui, c'est bien Annie Cordy sur France Culture. Vous écoutez Les Chemins de la Philosophie. Il est 10h53. C'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger, Changement d'ambiance. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Enfin, je dis changement d'ambiance, vous êtes fan d'Annie Cordy, Aurélien Bélanger, je sais pas, on en a pas parlé. Énormément. Ouais, j'en étais sûre. Alors aujourd'hui, comme chaque jour, vous vous posez une question. Est-ce que la question que vous posez aujourd'hui, c'est de savoir si les jeux vidéo ne seraient pas devenus les nouveaux laboratoires de physique? En effet, car la physique, je l'ai découvert, moi, dans une favela de Rio. J'ai découvert la physique dans le jeu Call of Duty Modern Warfare 2. La nouveauté principale par rapport aux premiers opus tenait en effet à ce que les grenades y étaient désormais dotées d'une physique. Une physique, cela voulait dire en l'occurrence qu'elles roulaient dans la pente et tombaient sur les toits rouillés de Rio. Les lois de la physique s'appliquaient donc aux grenades qui ne flottaient pas, miraculeuses ou stupidement statiques, comme dans le précédent Call of Duty. La chasse au miracle est d'ailleurs une obsession du jeu vidéo. On dit qu'il existe à l'est, par-delà les Carpates, en Roumanie, en Moldavie peut-être, des milliers d'exorcistes qui testent par avance les futures productions de l'industrie vidéoludique pour en chasser les anomalies les plus grossières. Bras qui passent à travers un mur, armes qui flottent, grenades qui remontent, les fameuses ruelles de Rio. Si Galilée vivait aujourd'hui, il serait un bêta-testeur moldave. Le jeu vidéo moderne est une impitoyable chasse au miracle. Ce qui est étonnant, parce qu'on associe spontanément le jeu vidéo à des prouesses irréalistes. Notamment le fameux double jump, voilà. Le Graal de la physique fantaisiste du jeu vidéo. Vous aurez reconnu, bien sûr, le jeu Dragon Buster de 1985, le premier jeu à utiliser le double jump, la faculté, alors qu'on est déjà suspendu en l'air, à ressauter un peu plus haut, le cauchemar de Newton, la violation de toutes les lois de la mécanique. Une fois le double jump accepté, alors tout devient possible. Et même une franchise aussi légaliste que Call of Duty a fini par s'y mettre dans Advanced Warfare, au moyen d'un exosquelette doté de jetpack cependant. Donc sans enfreindre cette fois les lois de la physique. Voilà. En tout cas, c'est ce jeu permanent avec les lois intangibles de la physique qui rend le jeu vidéo si stimulant dans un monde où le récit naturaliste semble s'être installé pour toujours. Bien sûr, les jeux vidéo sont des entités physiques. Il n'y a qu'à entendre souffler les ventilateurs d'une console pour comprendre que toute cette débauche d'artifice doit se plier. En dernier lieu, aux lois de la thermodynamique. Et Mario, c'est Alice au pays du silicium, a beau changer sans cesse de forme, les lois de la logique sont respectées sur la couche la plus fondamentale de son substrat physique. On peut d'ailleurs se représenter, métamorphose et double jump inclus, les héros des jeux vidéo comme des sortes d'araignées d'eau aux longues jambes. Si leur existence semble défier la physique, ils se soumettent en secret sous leurs pattes velues à ces lois élémentaires. Le plaisir du jeu, cependant, c'est de parvenir à nous faire croire qu'on opère au-dessus de l'eau, au deuxième niveau ontologique, au plan du double jump, au plan de la liberté. Et donc la physique serait devenue relative? Bah alors l'intérêt d'un jeu tient justement autant de l'apparente suspension de certaines lois de la physique que dans leur réintroduction massive, leur transformation en adjuvant, comme par exemple avec le vent dans les jeux de golf, ou la force de Coriolis dans une célèbre scène de Call of Duty encore, qui venait gauchir à Pripyat la trajectoire de notre balle pendant un tir à longue distance. Inversement, un peu de physique simplifiée de gravité rudimentaire, sans accélération ni inertie, suffit au bonheur des joueurs de Tetris. On entrevoit alors ce que pourraient être d'autres univers, des univers où les lois de la physique différeraient d'une autre. La physique était la totalité du monde, elle n'en est soudain plus qu'un élément singulier, une possibilité annexe, à peine plus qu'un outil d'identification des mondes entre eux. Et le naturalisme, le grand récit intangible des modernes, vacille légèrement sur ses bases, les espoirs froids et mécaniques de Descartes et Pascal laisse apparaître un jeu. Les grenades du miracle nous adressent de loin des clins d'œil ironiques. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Oh là, on se... Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie d'Avril Poignant-Le Goff, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Azubert. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série autour de la vieillesse. Demain, on parlera d'Honoré de Balzac. Pour évoquer, on évoquera entre autres l'élixir de longue vie. On sera en compagnie de Marion Masse. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture. À la page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la podcaster, la télécharger, vous vous abonnez, comme ça vous pouvez écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez, à votre guise, avec qui vous voulez bien sûr. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, nous on sera là, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.